Alors, t'es dans la salle des bonus. Tu vas prendre le bonus lance. Comme ça, tu peux tuer le boss.